soir on va tous au bar. Ouais, c'est chez mon pote Kevin Cougar. C'est vachement bon la bière est bonne. Ce soir on va tous au bar chez mon pote Kevin Cougar. Ils sont déjà installés, je vais vous les présenter. Y'a Kevin